إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on commence aujourd'hui le cours numéro 15 dans l'explication du livre Umdatul Ahkam du Cheikh Al-Bassam, avec le charh du Cheikh Al-Bassam, qui s'intitule Taysir Al-Allam. Et donc, on est toujours dans le chapitre numéro 4, Babun fil Madhi wa ghayrihi. Donc, c'est-à-dire un chapitre au sujet du Madhi et autres. Et on est arrivé au hadith numéro 25. Le hadith numéro 25 dans Umdatul Ahkam. Bon, c'est le hadith qui dit an ummi qais bint Mihsan al-Asadiyya annaha atat bibn laha saghir lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. نعم. donc ces deux hadiths qui sont rapportés ici, qui sont mentionnés, le premier c'est un hadith rapporté selon Umm Qais بنت محصن الأسدية. أي نعم. Et c'est la sœur de Ukash ibn Mihsan. On dit que son nom c'est Amina. Muqais, on dit que son nom c'est Amina. Et c'est une sahabiya qui est très célèbre. Donc, elle dit, on dit dans ce hadith, selon Muqais, elle dit qu'elle est venue avec son fils, alors qu'il était encore bébé, il était tout petit. Il ne mangeait pas encore de nourriture. Donc là, il buvait seulement du lait de sa mère. Il n'avait pas encore commencé à manger. Donc elle l'a amené au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle l'a assis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a assis sur ses cuisses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assis le bébé sur ses cuisses. Et le bébé a fait pipi sur lui, a uriné sur ses vêtements. Alors, il a ramené de l'eau et il l'a aspergé de l'eau sur ses vêtements sans le laver. Il a aspergé de l'eau sur son vêtement sans le laver. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans le hadith de Aïcha, la mère des croyants, elle dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a amené un enfant, un bébé. Et le bébé a uriné sur ses vêtements. Alors il a appelé pour qu'on lui amène de l'eau et il a mis de l'eau sur la trace d'urine. Hein? Il a mis de l'eau sur la trace de l'urine de cet enfant. Et il ne l'a pas lavé. Et ça, c'est aussi rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le sens général de ce hadith, le Cheikh Al-Bassam, il dit: المعنى الإجمالي كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بأطفالهم لينالوا من بركته وبركة دعائه لهم. وكان صلى الله عليه وسلم من لطافته وكرم أخلاقه يستقبلهم بما جلبه الله عليه من البشر والسماحة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba lui amenaient leurs enfants pour qu'ils puissent obtenir de la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leurs enfants, et ainsi que de la bénédiction de ses invocations pour eux. Et parmi les éléments qui montrent la douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la noblesse de son comportement et de son caractère, c'est qu'il les accueillait avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné comme tempérament et comme personnalité, d'être quelqu'un qui est jovial et quelqu'un qui est accueillant et chaleureux, et tolérant et patient, miséricordieux. Donc il dit: فجاءت أم قيس بابن لها صغير يتقوت باللبن ولم يصل إلى سن التقوت بغير اللبن. Donc أم قيس a ramené son petit bébé, qui était petit. Il ne faisait encore que boire du lait de sa mère. Il ne mangeait pas encore. Il n'avait pas atteint l'âge où les enfants commencent à manger autre chose que à boire le lait de leur mère. فمن رحمته أجلسه في حجره الكريم فبال الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فطلب ماء فرش مكان البول من ثوبه رشا ولم يغسله غسلا. Donc le cheikh il explique, il dit: et donc c'est de la miséricorde du prophète صلى الله عليه وسلم que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a assis sur sa cuisse, et il a uriné donc sur le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on lui amène de l'eau. Alors il a aspergé de l'eau sur l'endroit où l'urine était sur son vêtement, et il ne l'a pas lavé, il a seulement asperger de l'eau dessus. Et il dit ensuite, il mentionne la question des divergences des ulama à ce sujet-là. Cheikh Ahmed al-Najmi, il explique les termes comme par exemple hijr, fi hijrihi ou fi hajrihi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit في حجره أو حجره الحجر بفتح الحاء وكسرها وإسكان الجيم هو الحضن الحضن. Donc il dit que الحجر soit c'est avec le fatha sur le ha ou la kasra sur le ha et le sukun sur le jim, et les deux c'est dans le sens ici de الحضن. Al-ha, dad et nun. Al-hidnu, qui signifie en français le giron. J'ai cherché dans le dictionnaire. Le giron, c'est l'endroit entre de la ceinture jusqu'au genou. On appelle le giron. Donc c'est les cuisses, yani. Donc ça c'est pour le vocabulaire. Donc اختلاف العلماء. يرى طائفة من العلماء أن الذكر والأنثى سواء في الاكتفاء بالنضح قياسا للأنثى على الذكر. Donc il dit, parmi les divergences des savants à propos de cette question, il y a des divergences par rapport au fait de devoir juste asperger le vêtement avec de l'eau lorsque le bébé qui n'a pas encore mangé de la nourriture a uriné sur le vêtement de quelqu'un. Donc il y a des ulama, ils distinguent entre l'urine du garçon et l'urine de la fille. Si c'est un bébé, un garçon, eh bien, dans ce cas-là, ils ne font qu'asperger et ils ne le lavent pas. Tandis que si c'est de l'urine d'une fille, dans ce cas-là, ils l'aspergent. Ils le lavent au complet. Ils le lavent avec de l'eau. Donc ça, c'est une des divergences et c'est de ça que le cheikh parle maintenant. Donc il dit, parmi les ulama, il y a un groupe qui considère que les deux, c'est pareil. C'est-à-dire les garçons et les filles, c'est suffisant de seulement asperger le vêtement avec un peu d'eau. Et ils font ici une analogie entre la fille et le garçon. Ils font une analogie de la fille sur le garçon. Donc ils comparent le cas de la fille avec le cas du garçon en voulant dire que ici pour le garçon c'est ça qui est mentionné dans le hadith. Donc eux ils disent dans ce cas-là c'est la même chose pour la fille. نعم. Ensuite il dit وترى طائفة أخرى أنهما سواء في وجوب الغسل وعدم الاكتفاء بالنضح وكلا الطائفتين لم تستند إلى دليل. Il dit, il y a un autre groupe, eux ils disent que le garçon et la fille tous les deux sont égaux dans le fait que c'est pas suffisant d'asperger le vêtement avec de l'eau, il faut le laver au complet pour tous les deux, pour le garçon et pour la fille. Donc ça c'est l'autre extrême de la position de celle qu'on a mentionnée tout à l'heure. Et il dit les deux groupes en question ne se basent sur aucun dalil, c'est-à-dire tous les deux n'ont pas de preuve pour ces deux positions-là. Ensuite il dit والنضح للذكر والغسل للأنثى هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة وهو مذهب الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم واختاره شيخنا ابن سعدي وكثير من المحققين. Donc il dit النضح يعني le fait d'asperger le vêtement avec de l'eau pour le garçon et de laver le vêtement lorsqu'il y a de l'urine de la fille, de le laver, ça c'est la position qui est supportée par les hadiths authentiques, les preuves authentiques et explicites et claires. Et c'est également la position de plusieurs d'entre les imams. Et c'est la position donc de plusieurs d'entre les imams comme l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, l'imam Ishaq, l'Auza'i et Ibn Hazm et Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim. Et c'est également la position qui a été choisie par notre cheikh Ibn Sa'di, Ibn Sa'di, c'est-à-dire Abdurrahman al-Sa'di, le cheikh de Al-Bassam, et plusieurs d'entre les savants parmi les vérificateurs. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? Donc le cheikh il dit comme point numéro 1, il y a 3 points ici. Point numéro 1, najasatu bawl al-ghulam, najasatu bawl al-ghulam wa in lam ya'kul at-ta'am li shahwa. c'est-à-dire la preuve de l'impureté de l'urine du jeune garçon, même s'il n'a pas encore désiré de la nourriture. Il ne désire pas encore de la nourriture, il n'a pas encore l'envie de manger. Le point numéro 2, kifayatul rash alladhi la yablughu darajat al-jarayan li tadhhir bawl al-ghulam. Kifayatul rash alladhi la yablughu darajat al-jarayan li tadhhir bawl al-ghulam. Donc c'est-à-dire le point numéro 2, c'est-à-dire que il est suffisant d'asperger le vêtement avec de l'eau. En envoyant de l'eau seulement comme ça, en aspergeant de l'eau avec la main, sans faire couler l'eau sur le vêtement pour le purifier, pour l'urine du garçon. Et il dit également, point numéro 3, le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la noblesse du caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa grande humilité. Sa grande humilité. Du fait qu'il prenait les enfants sur lui et qu'il ne se mettait pas en colère ou il ne se fâchait pas si les enfants urinaient sur lui ou des choses comme ça. Il était modeste et noble de caractère. Ça, c'est un point. Et il y a aussi le fait que, bien entendu, parmi les conditions à ce sujet-là, c'est qu'il faut, bien entendu, que le bébé en question, le garçon, l'enfant, il n'ait pas commencé à manger de la nourriture. Il boit seulement du lait. S'il commence à manger de la nourriture, dans ce cas-là, il faut laver, comme le reste de l'urine des adultes. Ou des gens en général. Il faut le laver au complet. Et non pas, c'est-à-dire laver avec de l'eau, à grande eau, puis pas asperger le vêtement avec de l'eau seulement. Cheikh dit comme point ici, il parle de la raison pour laquelle les ulama ont. C'est quoi les raisons que les savants ont données pour la distinction entre le garçon et la fille dans la façon de laver les vêtements ou de purifier le vêtement. Et donc, il mentionne deux façons ou deux explications. La première explication, je vais pas les lire en arabe, je vais juste résumer qu'est-ce que le cheikh a dit. La première explication, c'est qu'il dit que dans le garçon, il y a une chaleur supplémentaire qui fait que la nourriture que le bébé boit, fait que le bébé, le lait qu'il boit, il est chauffé plus que celui de la fille, et donc ça fait en sorte qu'il y a une différence entre leur urine. Donc ça, c'est une des mentions qu'il donne ici, une explication qu'il donne. Donc c'est pour ça que pour la fille, il faut le laver, l'urine au complet, laver complètement. Tandis que pour le garçon, juste asperger avec de l'eau. La deuxième explication qui est donnée par les ulama, c'est que, de façon générale, les gens se promènent plus avec leur garçon et les gens se passent plus les garçons que les filles. Et donc, étant donné qu'ils se passent les filles plus que les garçons, c'est plus souvent le cas qu'on va avoir de l'urine sur nos vêtements de la part d'un garçon que de la part d'un bébé fille. Donc ça fait partie des raisons qui ont été mentionnées. Et en général, c'est-à-dire que c'est sûr qu'à l'époque, les gens ne faisaient pas nécessairement, ou bien à cet endroit-là et à cette époque-là, à ce temps-là, les gens ne portaient pas nécessairement des couches pour les bébés. Comme c'est le cas aujourd'hui, les gens donnent des couches. Ça dépend aussi des pays, ça dépend des pays, ça dépend des endroits, puis ça dépend des époques. De toute façon, comme par exemple au Canada, en Europe, bon, les gens ils mettent au bébé des couches qui absorbent l'urine. Donc même si tu prends le bébé, bon, en général, c'est très rare que tu vas recevoir sur toi de l'urine. Mais sinon, ça peut arriver que la couche déborde. Bon, c'est arrivé souvent avec des bébés. Donc dans ce cas-là, oui, il faut... Hein, si c'est un garçon qui n'a pas encore commencé à manger la nourriture, on asperge seulement un peu d'eau sur les vêtements. Si c'est une fille ou si c'est un bébé qui a commencé à manger, dans ce cas-là, on nettoie complètement le vêtement en mettant beaucoup d'eau, puis en le tordant, puis en le purifiant par le lavage. On est de cette façon-là. Et la raison de ça, la raison pour laquelle les ulama ils disent que le fait que les garçons on les transporte plus souvent puis on les passe d'une personne à l'autre plus souvent et que à cause de ça c'est ça qui rend que ou c'est ça qui fait que on a seulement besoin d'asperger le vêtement avec de l'eau. Eh bien c'est que il y a une règle dans la charia qui dit que lorsque quelque chose devient difficile, eh bien ça appelle à rendre les choses plus faciles, à faciliter les choses. Donc le cheikh il explique ça dans le point ici, il dit anna al-ghulam 'adatan arghabu ila an-nas min al-jariya fa yakthuru hamluhu wa naqluhu wa tubashiru najasatu wa tubasharu najasatuhu مما يسبب المشقة والحرج فسومح بتخفيف نجاسته فيؤيده ما يعرف عن الشريعة من السماح والتيسير والقاعدة العامة تقول المشقة تجلب التيسير. C'est ça. Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui est difficile, eh bien ça amène la facilité. Ça fait en sorte que on doit amener ou faciliter les règles qui sont reliées à la chose qui est difficile. Et ça fait partie des règles fondamentales de la charia. Et d'autres savants ont mentionné que il n'y a pas de raison connue pour la distinction entre l'urine du garçon et l'urine de la fille. C'est quelque chose qui est uniquement sur le plan de l'adoration. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande de lui obéir dans cet ordre-là et dans cette distinction-là, juste pour nous, pour nous tester en même temps, puis pour qu'on l'adore en obéissant son ordre, sans qu'il y ait une logique connue pour nous. Wallahu a'lam. Donc ça c'est le point numéro, c'est le hadith numéro 25. On va passer maintenant au hadith numéro 26. Le hadith numéro 26, c'est le hadith qui dit, qui est rapporté selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Il dit, قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه رواه البخاري ومسلم. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté selon Anas ibn Malik رضي الله عنه. Il dit, il y a un bédouin qui est venu à Médine et qui est rentré dans la mosquée et qui a uriné dans une partie de la mosquée. Alors les gens ont commencé à le réprimander et à se mettre en colère contre lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de faire ça. Et lorsqu'il a terminé d'uriner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on verse une chaudière d'eau à l'endroit où le bédouin avait uriné. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, parmi les vocabulaires qui sont mentionnés dans ce hadith, le cheikh explique premièrement le terme Arabi. Et Al-A'rabi, nisbatan ila al-A'rab, wa hum sukkanul badiyah. وقد جاء النسبة وقد جاءت النسبة فيه إلى الجمع دون الواحد. Donc, Arabi, c'est les Bédouins, les habitants du désert. Ceux qui habitent dans le désert, on les appelle Al-A'rab. Ok? Et fi ta'ifat al-masjid, ça veut dire fi nahiyat al-masjid, c'est-à-dire dans une partie de la mosquée. Fazajarahu, yani naharuhu. Donc, ils l'ont. Yani, ils sont venus autour de lui, puis ils sont venus vers lui, puis yani, ils lui ont comme ils l'ont réprimandé, yani, il était fâché, il criait sur lui. Yani. Hein? Alors, yani, donc, après, Bizanou bin Minma, Bifath al-Zal al-Mu'jama, huwa al-Dalu al-Mumla ou Ma'an, al-Mumla ou al-Mal'a Ma'an. ولا تسمى ذنوبا الا اذا كان فيها ماء. Donc الذنوب c'est avec la fatha, c'est un seau qui est rempli d'eau. Et le cheikh il dit on l'appelle pas ذنوب excepté yani si le seau est rempli avec de l'eau. Si c'est pas rempli avec de l'eau, on l'appelle pas ذنوب. Wa uhriqa alayhi أصله أريق أريق عليه. Donc à la base c'est أريق عليه, puis on a ajouté le ha, puis on a ajouté le sukun, donc ça fait أريق. Ça veut dire de verser ou de vider. Et donc le sens général du hadith, le cheikh il dit من عادة العرب الجفا والجهل. Donc parmi les habitudes que les bédouins ont, c'est qu'ils sont durs. C'est des gens qui sont pas raffinés, qui sont un peu bruts et un peu ignorant, parce qu'ils habitent hein, loin de yani des villes, et en même temps le cheikh dit les bu'dihim an ta'allumi ma anzala Allah 'ala rasulihi, aussi parce qu'ils sont loin des enseignements de ce que Allah a révélé à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit فبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في المسجد النبوي إذ جاء أعرابي وبال في أحد جوانب المسجد ظنا منه أنه كالفلاء فعظم فعله على الصحابة لعظم حرمة المسجد لعظم حرمة المساجد فنهروه في أثناء بوله. Donc le cheikh il dit lorsque le bédouin est arrivé et qu'il a uriné dans un des coins de la mosquée ou un des endroits de la mosquée, lui le bédouin il pensait que c'est comme quand il est dehors, donc il n'a pas vu la différence. Et alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc quand ils ont vu ça, les sahaba se sont levés, puis ils étaient en colère, donc ils ont crié sur le monsieur, ils ont ils l'ont réprimandé pendant qu'il faisait son pendant qu'il urinait. Mais le cheikh il dit ولكن صاحب الخلق الكريم الذي بعث بالتبشير والتيسير ولما يعلمه من حال الأعراب نهاهم عن زجره لأن لا يلوث بقعا كثيرة من المسجد ولأن لا يصيبه ضرر بقطع بوله عليه وليكون أدعى لقبول النصيحة والتعليم حينما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلمه حينما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يطهروا أو أن يطهروا مكان بوله بصب دلو من ماء عليه. Donc le cheikh il dit, mais yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est celui qui avait un caractère noble et qui a été envoyé avec at-tabshir, c'est-à-dire qui vient annoncer la bonne nouvelle et qui vient faciliter les choses pour les gens. Alors lorsqu'il, étant donné qu'il connaît l'état des bédouins, il sait comment sont les bédouins dans leur habitude, dans leur comportement, dans leur tempérament, il a interdit à ses compagnons de réprimander le bédouin. Donc il a dit aux gens, laissez-le terminer, et après on va lui parler. Parce que le cheikh, il dit en même temps, il ne voulait pas que le bédouin commence à salir d'autres endroits de la mosquée en commençant à bouger, et en même temps il ne voulait pas non plus que le bédouin se fasse mal aussi, ou qu'il ait lui-même un problème en arrêtant son urine pendant qu'il était en train de le faire, parce que ça c'est quelque chose qui est mauvais, lorsque tu es en train d'uriner, que tu cesses d'uriner comme ça brusquement en plein milieu, donc ça c'est pas quelque chose de bon. Et pour que, en même temps aussi, la personne accepte plus le conseil et l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui enseigne, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, quand le bédouin a terminé, il a ordonné aux compagnons de purifier l'endroit où le bédouin avait uriné en versant un seau d'eau sur l'endroit où il a uriné. Ensuite, le cheikh il dit, وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce hadith? Le cheikh il dit, يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ أَوَّلًا. Il mentionne ici 7 points. Le premier point, أن البول على الأرض يطهر بغمره بالماء ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك ولا قبله. Donc il dit le cheikh que l'urine, lorsque quelqu'un urine sur de la terre, on purifie cet endroit-là en versant de l'eau dessus. Et ce n'est pas une condition qu'on déplace la terre de l'endroit où elle est, ni avant, ni après. Le cheikh il dit comme point numéro 2, « Ihtiramu al-masajid wa tathiruha » c'est-à-dire le respect des mosquées et la purification, leur purification. Donc, il faut purifier les mosquées, et il faut respecter les mosquées, il faut les purifier. Naam. Le point numéro 3, سماحه خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارشد الاعرابي برفق ولين بعدم بعدما بال مما جعله يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا كما جاء في صحيح البخاري. Donc on voit le cheikh il dit le comportement de tolérance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa miséricorde du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a orienté le bédouin avec douceur et avec calme et avec douceur après que le bédouin ait uriné. Il lui a expliqué que la mosquée, ce n'était pas fait pour ça, que ce n'était pas fait pour lui uriner dedans, que c'était un endroit qui était établi pour le dhikr, pour le rappel d'Allah et pour l'enseignement et l'adoration, et non pas pour uriner ou mettre des impuretés dedans. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu la douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son bon comportement, le bédouin a dit, « Oh Allah, fais miséricorde à moi ainsi qu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ne fais miséricorde à personne d'autre en dehors de nous deux. » Comme c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari à ce sujet. Donc c'est pour dire, « Yani, subhanallah, le bédouin, il a vu. Il a voulu s'approprier la miséricorde à lui tout seul, ainsi qu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam seulement. Allah al-musta'an. Donc, ça c'est un exemple. Et après, il dit wa bu'du nazarihi, sallallahu alayhi wa sallam, wa ma'rifatuhu li taba'i'i an-nas. Donc, c'est-à-dire, c'est pour montrer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une vision. Il voit plus loin que les choses elles-mêmes. C'est-à-dire, il regarde les conséquences des choses et les répercussions des choses. Avant d'agir, il analyse et il juge les choses. Hein? Du fait que, s'il avait arrêté les gens étaient allés pour arrêter le bédouin d'uriner pendant qu'il était en train d'uriner, ben, soit il allait salir d'autres endroits en plus de l'endroit qu'il avait commencé à salir, et même que peut-être qu'il allait salir les gens aussi, leurs vêtements aussi. Allah musta'an. Et également, ça allait lui faire du tort à lui, au bédouin, parce qu'il allait peut-être cesser d'uriner en plein milieu, donc en étant en train d'uriner, il cesse d'uriner comme ça, ça peut lui faire du tort sur le plan de la santé. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit dans cet exemple-là, donc comment il voit loin, et en même temps, comment aussi il connaît les tempéraments et les personnalité des gens. Naam. Donc, mashallah, il connaît le tempérament des bédouins et il sait comment réagir avec eux. Et le point numéro 5, عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها فقد تركه يكمل بوله أو يكمل بوله لأجل ما يترتب من الأضرار بقطعه عليه. Donc, lorsqu'il y a plusieurs choses mauvaises qui se rejoignent et qui sont réunies, eh bien, l'islam nous ordonne de prendre la moindre, la moindre des deux, ou la moindre des différentes choses qui sont mauvaises ou nuisibles. Et donc le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé le bédouin terminer d'uriner pour pas qu'il y ait plus de mal que le mal qui était en train de se produire en ce moment-là. Donc ça, c'est une règle aussi, parmi les règles de la charia, de faire, si on a le choix entre deux choses mauvaises, c'est mieux de prendre la moindre des deux mâles, le moindre des deux mâles. Et le moindre des deux mâles, dans ce cas-là, c'était de laisser le bédouin terminer, puisque sinon, si on l'arrêtait en plein milieu, il allait avoir plus de mal qui pourrait se produire que le mal de ce que le bédouin était en train de faire. Le point numéro 6, inna al-bu'd 'an an-nas wal-mudun yusabbib al-jafa'a wal-jahl. Donc le cheikh, il dit, comme point numéro 6 qu'on peut tirer de ce hadith là, c'est que le fait d'être loin des gens et d'habiter loin des villes, ça a comme conséquence que les gens deviennent bruts, et les gens deviennent ignorants. Naam. Et le point numéro 7, ar-rifqu bita'lim al-jahil. Ar-rifqu bita'lim al-jahil. C'est-à-dire que lorsque tu enseignes à un ignorant, eh bien, il faut que tu enseignes avec douceur et avec gentillesse. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui a été dit à propos du hadith numéro 26. Maintenant, le hadith numéro 27. Le cheikh explique. Il dit عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقصر الشارب وتقليم الأظافر ونطف الإبط رواه البخاري ومسلم. Donc selon Abu Huraira radiyallahu anhu il dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait que les éléments de la fitra sont de 5. Les éléments de la saine nature sont de 5. La première c'est al-khitan, c'est-à-dire la circoncision. Le deuxième c'est al-istihdad qui signifie yani le rasage des parties intimes. Le point numéro 3, qassu sharib, c'est-à-dire de couper la moustache. Le point numéro 4, taqlimul azafir, c'est-à-dire de couper les ongles. Et le point numéro 6, d'arracher les poils sous les bras. Al-ibt. Donc, on va maintenant lire certains vocabulaires qui sont mentionnés dans ce hadith et surtout le terme fitra. Cheikh Ahmed al-Najmi, dans son charh du livre Amdatul Ahkam qui s'intitule Ta'sisul Ahkam, il explique le terme dans les vocabulaires de ce hadith. Il dit Al-fitratu hiya al-jibilla aw al-khalq wa dhalika anna Allah khalaqa al-khalqa wa jabalahum ala istihsan al-hasan wa istiqbah al-qabih. Donc le cheikh Ahmed al-Najmi, il explique que Al-Fitra, c'est yani, la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a créé les choses et comment Allah subhanahu wa ta'ala a mis certaines choses à, yani, comme si Allah subhanahu wa ta'ala il a fait que les hommes aiment certaines choses et les trouvent bonnes et belles. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont en eux, c'est comme leur nature. Yani. Et qu'ils trouvent d'autres choses comme étant laides et mauvaises. Hein? Et ça, c'est quelque chose que Allah a créé en l'homme. Allah l'a créé comme ça. Il les a créés aimant le bien et qu'est-ce qui est bon, et yani, dégoûtant ou trouvant dégoûtant qu'est-ce qui est laid et qu'est-ce qui est mauvais. Il dit ومن القبيح الذي تستقبحه العقول السليمة وتستوخمه الطباع المستقيمة زيادة هذه الأشياء عن حدودها المحددة لها شرعا. Donc le cheikh il dit, et parmi les choses qui sont laides et que la raison saine trouve comme étant mauvaise, hein, et trouve dégoûtant les natures qui sont droites et correctes, c'est le fait d'augmenter dans les limites bien prédéterminées selon la charia des éléments qui sont mentionnés parmi les éléments de la fitra, de les laisser aller, hein, et de les laisser dépasser la limite qui a été établie par la charia. Donc ça fait partie de ce que la nature saine et la raison saine trouvent comme étant mauvaise et laide. Il dit « ومن هنا تعلم أن الذين يحفون اللحى ويعفون الشوارب أو يحفون اللحى ويعفون الشوارب معاكسون للفطرة مخالفون للشريعة عاصون لله ورسوله متعرضون للقذارة والوسخ ومتغيرون لخلقهم ومشوهون لزينتهم التي منحهم الله إياها مع زعمهم أو زعم آخرين منهم أو زعم آخرين منهم يحفون أو يحفون الجميع، يعني أنهم لا يحملهم على ذلك إلا طلب النظافة، وكأنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نظيفا حين أعفى لحيته. Donc le cheikh il dit, c'est là que tu vois que ceux qui rasent leur barbe et qui laissent pousser leur moustache, ils vont en contradiction avec la fitra et ils contredisent la sharia et ils désobéissent à Allah et à son messager et ils yani, se mettent yani, disons, ils se mettent dans une position où yani, ils vont être dans ils vont facilement yani, être sales et accumuler des saletés sur eux à cause de justement leur longue moustache lorsqu'ils mangent et ainsi de suite. Et ils changent la création d'Allah et ils enlaidissent leur apparence et la beauté et la parure que Allah leur a donnée, hein, en la barbe, en croyant, hein, parce qu'ils pensent, eux ou d'autres, qu'eux pensent qu'en enlevant tout, hein, la moustache, la barbe et tout, que ça c'est dans le but de paraître propre. Il y a des gens comme ça aujourd'hui qui pensent que si tu laisses pousser la barbe, c'est sale. Et que si tu la rases, ça c'est la propreté. Et le cheikh il dit, c'est comme si ces gens-là, ils s'imaginent ou ils pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas propre lorsqu'il laissait pousser sa barbe. A'ouzou billah. Donc le cheikh il dit, fa in qulta nara fa'il hadhihi al-bid'a yastahsinunha fa kayfa la tastaqbih fitrahum hadha. Donc il dit, on voit que ceux qui font ce genre d'innovation et ce genre de choses, ils la voient comme étant bonne. Alors comment se fait-il qu'ils ne trouvent pas ces choses-là comme étant laides, hein, et comme étant mauvaises? Donc le cheikh il répond et il dit, la réponse c'est que il dit fal jawab an al qulub ma damat nadhifa min darn al ma'asi takun mudhi'atan جذابة فترى الحق حقا والباطل باطلا ومتى اتسخت بالمعاصي عميت كالحديد إذا علاه الزحل فحينئذ تنعكس أمامها الحقائق فترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق ويكون المعروف عند أصحابها منكرا والمنكر معروفا. Donc le cheikh il dit que les cœurs, lorsqu'ils sont propres et qu'ils ne sont pas affectés par les saletés des péchés, elles sont illuminées, hein, et elles sont illuminées. Et elles attirent, elles sont attirées par la vérité. Et elles voient la vérité comme étant la vérité et le faux comme étant le faux. Et quand elle devient salie par les péchés, eh bien, les cœurs s'aveuglent. C'est comme le métal, quand il devient rouillé. Alors à ce moment-là, lorsque le cœur devient sale à cause des péchés, eh bien, il devient comme si elle voit les choses à l'envers. Le cœur voit les choses à l'envers par la suite. Et les réalités sont inversées pour le cœur. Elle voit la vérité comme si c'était quelque chose de faux. Et elle voit le faux comme si c'était la vérité. Et il voit le bien comme yani, si c'était quelque chose de mauvais, et il voit le mal comme si c'était quelque chose de bien. Et la preuve de ça, c'est dans le hadith de yani, Hudhayfa, dans lequel il mentionne que yani, les cœurs, lorsqu'ils sont soumis à la fitna, eh bien, ils deviennent soit tout noir ou soit tout blanc, selon yani, le fait qu'ils acceptent le péché ou qu'ils le rejettent. Et non. Donc ça, c'est le hadith bien connu de Hudhayfa qui mentionne ça. Il dit, et donc c'est pour ça qu'il faut toujours invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il purifie notre cœur, pour qu'il garde notre cœur toujours bien guidé. Et comme Allah il le dit dans le verset 8 dans surat Al-Imran, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. C'est-à-dire, notre Seigneur, yani, donne-nous. Yani, notre Seigneur, ne fait pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Et donne-nous une miséricorde de ta part. Et tu es certes celui qui fait preuve de don, hein, de grand don. Et de grande, yani, celui qui donne de ses grâces. Donc, ça, c'est l'explication que le cheikh a donnée à ce sujet-là. Et ensuite, on continue donc avec l'explication de cheikh Al-Bassam. Donc, cheikh Al-Bassam, il dit ici, le sens général du hadith, il dit, « Yadhkuru Abu Huraira » أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس خصال من دين الإسلام الذي فطر الله الناس عليه فمن أتى بها فقد قام بخصال عظام من الدين الحنيف وهذه الخمس المذكورة في هذا الحديث من جملة النظافة التي أتى بها الإسلام. Donc le cheikh il dit que Abu Huraira, lorsqu'il mentionne qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire yani, qu'il y a cinq caractéristiques qui font partie de l'islam, de la religion de l'islam, sur lesquelles Allah a créé les hommes, celui qui les applique, hein, qui les fait, ces caractéristiques-là, ces grandes caractéristiques-là, eh bien, il a établi les caractéristiques de la religion de l'islam, la religion du tawhid. Et il dit, وَهَذِهِ الْخَمْسَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ جُمْلَةِ النَّظَافَةِ. Donc ça, ça fait partie des règles de propreté que l'islam a enseignées. أَوَّلُهَا قَطْعُ قُلْفَةِ الذَّكَرِ التي يسبب بقاؤها تراكم النجاسات والأوساخ فتحدث الأمراض والجروح. Donc le cheikh il dit, la première de ces cinq caractéristiques de la fitra, il y a des caractéristiques de la religion de l'islam, c'est la circoncision. Et la circoncision, c'est de couper la peau qui recouvre le prépuce, hein, sur l'organe génital de l'homme, qui couvre le prépuce, qui couvre le gland, la peau qu'on appelle le prépuce, qui couvre le dessus de la tête, hein, de l'organe génital de l'homme. Et ça, il faut enlever cette peau là ça fait partie de la sunna. Et celui qui la laisse, eh bien, il risque de voir qu'il y a des impuretés qui s'accumulent, hein, en dessous de cette peau, et ça peut causer des maladies, hein, et des blessures. Surtout si la peau en question est très serrée, hein, ça fait en sorte que on n'arrive pas facilement à le nettoyer par la suite, et même ça peut causer beaucoup d'ennui à un homme, lorsque, par exemple, il veut avoir des rapports avec son épouse s'il n'a pas enlevé cette peau. Donc, ça c'est pour la première caractéristique, c'est Al-Khitan. La deuxième, c'est Halq al-Sha'ur allati hawla al-Farj al-Istihdad. On appelle al-Istihdad, ça signifie de raser les poils qui sont autour des organes génitaux. Et le Cheikh dit sawa akana qubulan aw duburan, c'est-à-dire peu importe que ce soit de raser les poils autour des organes génitaux en avant ou en arrière, c'est-à-dire même les poils qui poussent en arrière aussi. Et il dit que le fait de les laisser à cet endroit-là, لِأَنَّ بَقَاءَهَا فِي مَكَانِهَا يَجْعَلُهَا مُعْرِضَةً أو مُعْرَضَةً لِلتَّلَوُّثِ بِالنَّجَاسَاتِ وَرُبَّمَا أَخَلَّتْ بِالطَّهَارَةِ الشَّرْعِيَّةِ. Il dit le fait de laisser ses poils à ces endroits-là, soit en arrière, autour de l'anus, ou bien en avant, la région pelvienne, ou bien la région où il y a les autour des organes génitaux, le poil à cet endroit-là, il faut l'enlever, sinon le cheikh il dit de les laisser, ça fait que il peut y rester beaucoup d'impuretés. Il peut y rester beaucoup d'impuretés, et en même temps ça peut même nuire à la purification de pour l'adoration lorsque tu veux prier ou jeûner. Lorsque tu veux prier ou faire une autre adoration qui nécessite la purification, eh bien, si les impuretés restent accrochées dans ces poils, eh bien, ça peut rendre l'adoration nulle à cause de ça, puisque la personne aura toujours des impuretés sur elle. وثالثها قص الشارب الذي بقاؤه يسبب تشويه الخلقة ويكره الشراب بعد صحي. Non, le troisième, قص الشارب الذي بقاؤه يسبب تشويه الخلقة ويكره الشراب بعد صاحبه يكره الشراب بعد صاحبه ويكون من التشبه بالمجوس. Donc le cheikh il explique que la troisième caractéristique c'est le fait de couper les moustaches. Et de couper les moustaches, c'est quelque chose qui est ordonné. C'est les poils qui poussent au-dessus des lèvres, en haut, qu'on appelle la moustache. Et il dit que de les laisser, bien entendu, c'est quelque chose qui enlaidit l'apparence et la création, et qui donne une apparence laide. Et qui est une forme de ressemblance au majus, c'est-à-dire les adorateurs du feu, parce que c'est eux qui rasent leur barbe et qui laissent leur moustache. Allah al-Musta'an. Et bien entendu, dans d'autres narrations du hadith, il y a aussi le fait de laisser pousser la barbe, de couper la moustache et de laisser pousser la barbe. Et dans une narration dans Sahih Muslim, selon Ibn Omar, qui dit laisser la barbe, couper les moustaches et laisser pousser la barbe, distinguez-vous des majus. Distinguez-vous des majus. Et dans d'autres narrations comme ça, il y a plusieurs. Donc c'est pour dire que c'est une obligation. C'est une obligation. Et la quatrième taqlimul adhafir, de couper les ongles des doigts et des orteils. Il dit taqlimul adhafir allati yusabbibu baqa'uha tajammu'ul awsakh fiha wa tukhalitu at-ta'am wa tukhalitu at-ta'am fa yahduthu al-marad wa aydan rubbama mana'at kamal at-tahara li sitriha ba'd al-fard. Donc c'est ça, il dit le cheikh que de laisser les ongles pousser long, c'est quelque chose qui fait que les saletés se réunissent et se rassemblent sous les ongles, et il y a de la nourriture qui peut rester prise en dessous des ongles et les saletés, et même que ça peut même parfois empêcher que la purification soit complète, puisqu'elle couvre certaines parties de qu'est-ce qui est obligatoire de laver. Donc ça c'est le point numéro 4. Et le point numéro 5, natful ibit yani alladhi yajlibu baqa'uhu ar-ra'iha al-kariha, c'est-à-dire d'arracher les poils en dessous des bras, puisque de les laisser ça fait qu'il y a des odeurs déplaisantes qui sont produites ou qui émanent de cet endroit-là. Donc l'islam nous ordonne de raser, ou non, plutôt d'enlever les poils sous les bras. Certains ulama ont mentionné que c'est permis de les raser aussi. C'est-à-dire, parce que natf, ça veut dire les arracher. C'est-à-dire, tu tires dessus, hein, tu les arraches. Mais certains ulama ont mentionné que c'est permis de les raser. C'est permis de les raser aussi. Il dit, wa bil jumla. فإزالة هذه الأشياء من محاسن الإسلام التي جاء بالنظافة والطهارة والتأديب والتهذيب وليكون المسلم على أحسن حال وأجمل صورة فإن النظافة من الإيمان. Donc le cheikh il dit, de façon générale, de retirer ces choses, ça fait partie des beaux enseignements de l'islam, et l'islam, c'est la religion qui est venue avec la purification et avec la propreté et les bonnes manières. Et donc, le musulman, il doit toujours être dans l'état le plus beau et le plus propre. Parce que la propreté, ça fait partie de la foi. La propreté fait partie de la foi. Ensuite, le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? Donc, le cheikh il mentionne 7 points. Le premier point, il dit, أَنَّ فِطْرَةَ اللَّهِ تَدْعُو إِلَى كُلِّ خَيْرٍ وَتُبْعِدُ عَنْ كُلِّ شَرٍ. Donc, yani, la nature saine d'Allah subhanahu wa ta'ala invite à tout ce qui est bon et repousse, éloigne tout ce qui est mauvais. Le deuxième point, أَنَّ هَذِهِ الْخِصَالِ الْخَمْسِ الْكَرِيمَةِ من فطرة الله التي يحبها ويأمر بها وجبل أصحاب الأذواق السليمة عليها ونفرهم من ضدها. Donc il dit, ces cinq caractéristiques nobles font partie des choses que يعني, Allah subhanahu wa ta'ala aime et qu'il a ordonné. C'est la nature que Allah, sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme, et c'est pour ça que les gens qui ont cette nature saine, eh bien, ils reconnaissent que ça, c'est des choses qui sont bonnes et qui sont propres. Tandis que ceux que leur nature est corrompue, eux, ils, malheureusement, ils s'égarent et ils s'éloignent de ces caractéristiques-là. Donc les gens qui ont une nature qui est saine et propre, qui ont des bons goûts, ils trouvent que ces éléments de la fitra sont propres et bonnes et belles, et donc ils les aiment et ils s'écartent de ce qui contredit ces états-là et ces caractéristiques-là. Le point numéro 3, « Anna ad-din al-islami ja'a bin-nazafa wal-jamal wal-kamal ». Donc le point numéro 3, c'est que la religion musulmane, elle a amené la propreté, la beauté et la perfection. Yani le perfectionnement de l'apparence et de la, et de yani l'état des hommes et des femmes. Le point numéro 4, mashru'iyatu ta'ahud hadhihi al-ashya wa 'adam al-ghafla 'anha. Donc le point numéro 4, c'est qu'il est légiféré de toujours surveiller ces choses-là et d'être attentif à ces éléments-là pour que on soit toujours yani en train de les appliquer et de ne pas devenir insouciant face à ces éléments-là. Donc ça veut dire que aussitôt que on voit que les poils yani commencent à être trop longs, les ongles commencent à pousser trop et ainsi de suite, qu'il faut commencer, il faut les couper. Le cheikh il dit comme point numéro 4, مشروعية تعاهد هذه الأشياء وعدم الغفلة عنها. Donc on l'a lu, le point numéro 4. Le point numéro 5, العدد خمسة يعني ليس حصرا فإن مفهوم العدد ليس بحجة وقد جاء في صحيح مسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من أنواع الفطرة في كل موضع ما يناسبه. Donc le cheikh il dit le nombre de 5 ici, c'est pas pour limiter les éléments de la fitra, hein? Et yani les 5 ici, c'est pas une preuve, le fait que 5 soit mentionné ici, c'est pas une preuve qu'il n'y en a pas plus. Ça c'est rapporté dans Sahih Muslim, mais il y en a d'autres hadiths yani qui mentionnent plus que 5, hein, qui mentionnent 10 même. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionnait selon la circonstance qu'est-ce qui convenait. Donc il mentionnait le nombre de ces éléments-là selon ce qui convenait. Il dit comme point numéro 6, قال ابن حجر يتعلق بهذه الخصال فوائد دينية ودنيوية منها تحصين الهيئة وتنظيف البدن والاحتياط للطهارة ومخالفة شعار الكفار وامتثال أمر الشارع. Donc l'imam Ibn Hajar, Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, il dit par rapport à ce hadith que avec ces caractéristiques, il y a des bienfaits et des points bénéfiques religieux et qui ont rapport avec les éléments de la dunya aussi. Parmi ces éléments et ces points bénéfiques, il y a le fait d'embellir l'apparence et de rendre le corps propre, de nettoyer le corps. Et yani de rester sûr d'être en état de pureté et de contredire les yani les manières et les symboles des kuffars et de respecter les commandements du législateur, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la fin de la parole de l'imam Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar. Le point numéro 7, أن ما يفعله الآن الشبان والشابات من تطويل الأظافر وما يفعله الذكور من إعفاء الشوارب من الأمور الممنوعة شرعا المستقبحة عقلا وذوقا وأن الدين الإسلامي لا يأمر إلا بكل جميل ولا ينهى إلا عن كل قبيح غير أن التقليد الأعمى للفرنجة قد قلب الحقائق وحسن القبيح ونفر من الحسن ذوقا وعقلا وشرعا. Donc le cheikh il mentionne comme point numéro 7, qui est le dernier point, que ce que font les jeunes garçons et filles de laisser pousser leurs ongles, hein, et le fait que les garçons laissent pousser leurs moustaches, et il ne mentionne pas le fait de raser la barbe, mais on peut le rajouter, hein, qu'il laisse la, la moustache et qu'il rase la barbe, ou qu'il rase la moustache et la, base, et la barbe. Hein, c'est-à-dire, certains laissent la moustache et rasent leur barbe. Hein, ça, c'est haram. Parce que raser la barbe, c'est haram. Et que d'autres, yani, rasent la moustache et la barbe. Donc ça, c'est encore yani, parmi les choses haram aussi. Puisque la sunna, c'est de couper la moustache pour qu'elle ne soit pas trop longue et de laisser pousser la barbe. Donc il dit que de faire ça, c'est quelque chose qui est interdit selon la charia. Yani, de raser la, la barbe et de couper la moustache ou de laisser pousser la moustache sans la couper. Il dit que c'est quelque chose qui est laid, yani qui est inacceptable sur le plan de la raison, ni sur le plan des bons goûts, hein, et des bonnes manières, et que la religion musulmane n'ordonne que ce qui est beau et n'interdit, hein, et interdit que ce qui est mauvais et laid. Sauf que les gens ont commencé à imiter aveuglément les étrangers et les non-musulmans et les kuffars de façon générale, en particulier les occidentaux, et ils ont, ça a fait en sorte que leur réalité est devenue à l'envers. Ils voient le beau comme étant laid, ils voient le laid comme étant devenu beau, hein? Et donc les gens s'éloignent de ce qui est beau selon les, le bon goût, selon la raison et selon la charia. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh, il mentionne ensuite la question de la divergence des ulama. Et il dit que les ulama sont d'accord pour dire, hein, il dit « اتفق العلماء على استحباب فعل الأشياء المذكورة عدا الختان فقد اختلفوا هل هو مستحب أو واجب ومتى وقت وجوبه من عمر الإنسان وهل هو واجب على الرجال والنساء أو على الرجال فقط. Il dit le cheikh que les ulama sont d'accord pour dire que les choses qu'on a mentionnées sont recommandées, excepté excepté al-khitan, c'est-à-dire la circoncision. Les savants ont divergé, est-ce que c'est recommandé ou obligatoire, et quand est-ce que c'est le moment où ça devient obligatoire, à partir de quel âge? Et le cheikh, il dit ensuite, et est-ce que c'est obligatoire uniquement pour les hommes et les, est-ce que c'est obligatoire pour les hommes seulement, ou bien c'est obligatoire pour les hommes et les femmes, c'est-à-dire la circoncision? Parce qu'il y a des ulama qui considèrent que la femme aussi doit être circoncise. C'est ce qu'on appelle en arabe al-khifad. Naam, al-khifad. Et donc le cheikh, il dit, والصحيح من هذه الخلافات أنه واجب. Qu'est-ce qui est vrai dans ces divergences là, c'est que c'est obligatoire. وأن وجوبه على الرجال دون النساء, et que son obligation c'est pour les hommes et non pour les femmes. وأن وقت وجوبه عند البلوغ, et que le temps de son obligation c'est lorsque l'homme a atteint l'âge de la puberté. Lorsque quelqu'un atteint l'âge de la puberté, ça devient obligatoire. حينما تجب عليه الطهارة والصلاة, lorsque la prière et la purification deviennent obligatoires pour lui. Donc c'est à ce moment-là que ça devient obligatoire. Et Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit à ce sujet-là, à propos de l'obligation de la circoncision, il y a divergence. Il dit فعند مالك وأبو حنيفة أنه مسنون وذهب الشافعي وأحمد إلى وجوبه. Donc pour Malik et Abu Hanifa, c'est seulement sunni, la sunna, c'est pas obligatoire, c'est recommandé. Pour الشافعي et Ahmed, c'est obligatoire. إلا أن الشافعي يرى الوجوب على الرجال والنساء. Sauf que Al-Shafi'i considère que c'est obligatoire pour les hommes et les femmes. Wa Ahmad yara al-wujub 'ala ar-rijal dun an-nisa. Tandis que l'imam Ahmad, il considère que c'est obligatoire pour les hommes et non pour les femmes. مستدلا بحديث الختان سنة للرجال ومكرومة للنساء مكرومة للنساء. Donc c'est quelque chose qui est sunna pour les hommes et qui est comme quelque chose de noble pour les femmes. Mais en réalité, ou bien d'anoblissant pour les femmes, mais c'est un hadith qui est faible. Et puis en plus, par rapport à ces cinq caractéristiques-là, Cheikh Al-Bassam, il dit que les savants sont d'accord pour dire que c'est recommandé et non obligatoire. Et Cheikh Ahmed Al-Najmi, il mentionne en note de bas de page ici que sur l'accord des savants à ce sujet-là, c'est à revoir. Il dit, Ibn Hazm, il mentionne clairement dans Al-Muhalla que de couper la moustache, c'est obligatoire. Et que Ibn Arabi Al-Maliki, il dit même que pour lui, ces cinq caractéristiques-là sont toutes obligatoires. Et qu'en les abandonnant, quelqu'un n'a plus l'apparence des êtres humains. Et non. Donc ça, c'est Cheikh Al-Albani qui a mentionné ce point-là comme commentaire. Et non, mashallah. Ok, et donc on termine maintenant avec un dernier petit point, puis on s'arrête, inshallah. C'est faïda. الختان الشرعي هو قطع القلفة القلفة الساترة للحشفة. Donc c'est ça. Lui, qu'est-ce qu'il explique? Il dit que le khitan, qui est selon la charia, c'est juste de couper la peau qui couvre le gland sur l'organe de l'homme, l'organe génital de l'homme, et non pas d'enlever toute la peau au complet, sur tout l'organe au complet. Et donc il dit qu'il y a des gens qui font, dans certains pays, ils font ça, ils enlèvent toute la peau au complet. Et aussi pour les femmes, c'est la même chose, qui coupent au complet le clitoris et qui arrachent complètement, qui enlèvent complètement les lèvres et tout ce qu'il y a autour de l'organe génital de la femme. Et ça, c'est bien entendu, c'est contraire à la sunna. La sunna, c'est seulement d'enlever un petit bout, hein, et non pas d'enlever tout. Et ça, c'est pour ceux qui disent que yani, c'est obligatoire, comme l'imam Shafi'i, tandis que les autres ulama, ils considèrent que c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire pour la femme. Wallahu ta'ala a'lam. Mais c'est juste dans les cas parfois où la femme aurait un organe comme un clitoris trop long, hein, trop développé, plus développé que la normale. Alors dans ce cas-là, il demande de faire ce genre d'opération-là. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah.